France Inter, franceinter.com. Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Ah ah, nous revoilà. C'est donc la panique au Mangin Palace, épisode 91. Bienvenue à toi, dans ce monde archi-loufoque et total foutraque, où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores, orchestrée par une bande de doudingues. La machine est prête et, a priori, nous serions ce matin, le dimanche 21 octobre 2007, 11h06. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es ancêtre aux cheveux blancs, tu es carte vermeille, tu es hospice ou croisière paquet, tu es Mathusalem chargé au Viagra, tu es gérontocrate ou grabataire, et tu es aussi... Eh ben, je dis que quand on est vieux, on sait quand c'est qu'on se baisse, mais on sait pas quand c'est qu'on se relève. Je dis que quand on est vieux, il vaut mieux aller chez les vieux. C'est toujours bien ce que j'ai dit. Bon, ben, on est d'accord. Oui, tu l'auras compris, l'ami, ce matin, tu es un trésor antique, enfin, tu es vieux, quoi. Alors, on a longtemps considéré le troisième âge comme la fin du voyage. Mais aujourd'hui, on vit de plus en plus vieux et de mieux en mieux. D'ailleurs, toujours soucieux du bien-être de ses anciens, notre gouvernement a décidé de leur offrir quelques annuités supplémentaires avant la retraite. En gros, les vieux au boulot. Ainsi, à l'heure où vieillir ne semble plus être le temps des loisirs, la panique au Mangin Palace a donc décidé ce matin, durant 53 minutes, d'ausculter nos aînés, les seniors. Et pour commencer justement, des patriarches antédiluviens aux cures de jouvence, nous tenterons de comprendre comment fut fabriquée la vieillesse. Ensuite, durant quelques minutes, nous essaierons ensemble d'identifier les signes extérieurs de vieillesse, autrement dit, c'est quoi une vie de vieux. On enchaînera d'ailleurs sur une analyse pertinente offerte par les déchiens sociologues émérites de la sphère du troisième âge. Et puis, dans la foulée, face au jeunisme ambiant, nous irons rendre visite aux derniers vieux sages de la République, Papy Chirac et Pépé Giscard, qui n'ont nullement l'intention de se laisser gagner par la sénilité. Et enfin, nous te dévoilerons la confrontation intergénérationnelle qui a secoué Gros Boule les Bains cette semaine lorsque les grands-parents des mômes se sont installés dans le quotidien de Monique et Jean-Claude. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique au Mangin Palace, alors bien sûr, monte le son et module ton sonotone. Leave your name and your number, and I'll get back to you. Hey, how are you doing? Sorry you can't get through. Why don't you leave your name and your number, and I'll get back to you. Once again, it's another rap bandit, feeling that I am, I can't stand it. Wanna be down with the day glow, knocking on my door saying, hey, yo, yo. Knocking on my door saying, hey, yo, yo. I got a funky new tune with a fly banjo. I can't understand what the problem is. I find it hard enough dealing with my own biz. How they get my name and number? Then I stop and think and wonder about a plan. Yo, man, I gotta step outside. You wanna call me up? Take my number down. It's 2-2-2-2-2-2-2. I got an answer machine that can talk to you. It goes, hey, how you doing? Sorry I can't get through, but what if your name and your number? I'll get back to you. Yo, check it. Exit the old style, enters the new. But nothing's new by being hawked by a few. Or should I say a flock? Cause around every block there's Harry, Dick, and Tom with a demo in his bone. Now I'm with helping those who want to help themselves and flaunt a nut that's doggy as a dough. But it's not the move to hear the tales of limousines and pails of money they'll make like a pro. I'll be like, yo, black disclaimer to take. Well, I have to show the time to spare or just make. But the songs created in they shacks be so wick, wick, whack. Situations like this, I now hate to give me smiles, Kool-Aid wide and ass. What's it that? And with the straightest face, I be like, hell yeah. I slip yes, them the digits and pop a Prince Paul so I don't go AWOL. But yet I know when they call, they get. Hey, how you doing? Sorry you you can't get through. Why don't you leave your name and your number, and I'll get back to you. Hey, how are you doing? Sorry you can't get through. Why don't you leave your name and your number, and I'll get back to you. Check it out. Ring, ring, ring, c'est ce que chantait en 1991 le groupe De La Soul. Ring, ring, ring, c'est aussi le bruit de la sonnette lorsque le vieux à l'hospice réclame de la soupe. Alors, ce matin, la panique au Mangin Palace a donc décidé de consacrer l'émission à ce que le littré définit comme étant le dernier âge de la vie, à savoir la vieillesse. D'ailleurs, le littré en fixe le commencement à 60 ans, un âge qui peut être avancé ou retardé selon les conditions de vie. Mais cela n'a pas toujours été le cas et certains échappent même aux règles biologiques, Dieu le Père éternel par exemple. Dites donc, vous ne vieillissez pas ? J'ai dit non parce que j'ai arrêté. Complètement. Du jour au lendemain, j'ai arrêté de vieillir. Parce qu'il n'y a pas que le tabac qui soit nocif. Hein, vieillir aussi, c'est pas bon pour la santé. Ouais, un matin, je me suis réveillé, j'avais vieilli de 10 ans. Alors hop, j'ai arrêté, vous voyez, 20 ans. Ha, c'est dur de rester jeune, hein, c'est dur. Je vous cacherai pas qu'il y a des moments, lorsque personne ne m'observe, j'ai envie de prendre un petit coup de vieux. Mais je m'abstiens. Je voudrais pas finir comme mon voisin. Hein. Lui, il pouvait pas s'empêcher de vieillir. Eh ben, il en est mort. Eh oui, la mort est à coup sûr la fin de la vieillesse. Pourtant, le problème essentiel, c'est bien de savoir quand commence réellement cette vieillesse. À 60 ans ? À 70 ans ? D'ailleurs, Dieu lui-même, après la création du monde, ne s'était pas posé la question. Ainsi, Adam a vécu, nous dit la Bible, jusqu'à 930 ans. Noé mourut à 950 ans et le record est tenu par Mathusalem avec 969 ans. C'est génial la Bible. À tel point que Satan lui-même s'en est étonné et a été voir Dieu le Créateur pour lui faire part de ses doutes. Vous faites l'éloge de la vieillesse, mais sincèrement, en dehors de toute considération morale, pensez-vous que les vieillards soient utiles à l'équilibre de l'espèce humaine? Il en va différemment dans les autres espèces animales où les vieux sont toujours sacrifiés. Sacrifier les vieux? Cette proposition satanique n'a pas laissé Dieu indifférent. C'est pourquoi dans la Genèse, au verset 3 du chapitre 6, on nous relate comment Dieu a réglé le problème. L'Éternel a dit ceci, « L'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans ». L'âge limite, fixé dans la Bible, c'est donc 120 ans. Pourtant, cela n'a pas réglé la confrontation des générations. Ainsi, même pour Dieu, le Père vieillissant, ça n'a pas toujours été facile avec son fils unique. Papa, j'ai un problème. Pourquoi tu t'adresses à moi? Je suis plus dans la course. Avant, je pouvais compter sur mon sac à pile, mais il n'y a plus moyen. Tout ça s'est desséché comme un vieux fruit. T'as fini? Non, pas encore. J'avais été élu le plus beau jeune homme de mon quartier. Papa, d'abord tu m'as donné la vie et maintenant tu me donnes à toi pour ma famille. Ce serait un honneur si tu venais vivre avec nous. Merci, fiston. Au bout de combien de temps vous l'avez expédié à la maison de retraite? À peu près 3 semaines. Ainsi donc, Dieu aurait été placé par Jésus en maison de retraite. Un truc pas simple à vivre pour tous nos vieillards. Mais ce qui a le plus chagriné Dieu, c'est surtout quand les hommes eux-mêmes ont commencé à contredire ses plans. Jeanne Calment, la doyenne de la planète à 119 ans. Tiens, voilà la vieille qui passe là-bas. Tiens, voilà la vieille qui sort du grand bois. Elle a tout connu. La création de Carmen par Bizet en 1875, la mort de Victor Hugo 10 ans plus tard, la révolution russe, les deux guerres mondiales, le Front populaire, mais aussi les Beatles, mai 68, la victoire de la gauche en 1981. Ah, quelle merveille, la vieille, la vieille. Ah, quelle merveille, cette vieille-là. De ses 119 ans vécus sur cette terre, Jeanne Calment retient deux événements historiques qui l'ont spécialement marqué, la Première Guerre mondiale et le massacre du tsar Nicolas II et de sa famille en 18. À l'époque, elle avait déjà 42 ans. Jeanne Calment, décédé en 1997 à l'âge de 122 ans, 5 mois et 44 jours, est encore aujourd'hui la personne qui a vécu le plus longtemps sur Terre. Alors bien sûr, Dieu, quand il voit une petite vieille dépasser de plus de 2 ans l'âge maximal qu'il a lui-même fixé à 120 ans, eh ben, Dieu, il doute. Et aujourd'hui, les jours où je me retourne, je regarde la Terre où j'ai quand même fait les 100 pas, et je ne sais toujours pas comment elle tourne. Maintenant, je sais. Je sais qu'on ne sait jamais. La vie, l'amour, l'argent, les amis et les roses, on ne sait jamais le bruit ni la couleur des choses. C'est tout ce que je sais. Mais ça, je le sais. Alors voilà, l'âge maximal recule sans cesse et l'espérance de vie augmente, tout au moins dans les pays développés. D'ailleurs, cette bonne nouvelle, à savoir que l'on vit de mieux en mieux et de plus en plus vieux, eh bien, certains, ça ne les enchante pas. Ainsi, la politique du gouvernement, c'est de faire valser l'âge de la retraite et d'envoyer danser les acquis sociaux, comme le propose gentiment au futur vieux notre pétillante ministre des Finances, Madame Christine Lagarde. Voulez-vous danser, grand-mère ? Voulez-vous valser, grand-père ? Tout comme au bon vieux temps, quand vous aviez 20 ans, sur un air qui vous rappelle combien la vie était belle pour votre anniversaire. Voulez-vous danser, grand-mère ? C'est une manière policée du gouvernement pour annoncer « Allez les grabataires, au boulot et pas de régimes spéciaux !» Non mais oh, il faut dire qu'il existe en effet des exemples de vieux travailleurs qui font fortune, mais c'est surtout vrai pour les chefs d'entreprise et particulièrement pour toutes les vieilles qui savent faire du bon café. Grand-mère et ses usines et ses 20 secrétaires, faut voir grand-mère quand elle compte son magot, ça fait des tas de zéros pointés comme son derrière. Ça fait des tas de zéros, surtout quand on compte encore en anciens francs. Alors voilà, il semble que l'âge de la retraite va encore reculer, parce que si on a longtemps cru que vieillir signifiait éteindre le travail, ben certains risquent fort bien de devoir rallumer la machine. Allume-moi, je suis fort. Et j'ai tellement besoin de toi. Dans le noir, j'ai trop peur. Et je pleure devant toi. Regarde-moi, je suis là. Oui, mais toi, tu ne me vois pas. Oui, mais moi, je suis là devant toi. Allume-moi. Allume-moi. Allume-moi. Allume-moi, c'est ce que te propose le clairvoyant Miro, mais c'est aussi ce que demande le vieillard au croque-mort lorsqu'il signe sa convention obsèque, option incinération. Mais il peut également choisir un grand classique, le cercueil sous la terre bouffé par les asticots. Alors maintenant, après avoir tenté de définir à travers les âges ce que signifie être sage, il est temps désormais d'essayer ensemble d'identifier ce que nous pourrions désigner comme les signes extérieurs de vieillesse. Oui, mon ami, à quoi ressemble la vie d'un vieux ? Eh bien, avant tout, nous pourrions nous poser une question essentielle. Est-ce donc si terrible de vieillir ? Car dans nos sociétés occidentales, nous n'avons jamais autant exalté la jeunesse. C'est ainsi que l'élasticité a triomphé des flétrissures, que l'insouciance puérile a ringardisé l'expérience des anciens et que les valses de Vienne ont laissé place à la tectonique. Et oui, malheureusement, vieillir rime désormais avec moisir. C'est pourquoi nos amis les vieux font tout ce qu'ils peuvent aujourd'hui pour éviter d'être phagocytés par cet impérialisme du jeunisme ambiant. Les seniors sont alors contraints d'être sportifs, bronzés, sapés. Sinon, pour eux, c'est l'exclusion définitive de la société. Salut les jeunes! Vous vous disiez, qu'est-ce que c'est que ce vieux con? Mais l'important, c'est pas l'apparence, bande de petits cons. Ce qu'il y a d'important, c'est ce qu'il y a dans la boîte, nom de Dieu. Et je peux vous dire que les petits jeunes, vous pouvez aller vous rhabiller. Alors, je recherche une petite copine de 20 ans, avec des petits seins fermes. On fera les fous en moto. On ira en boîte jusqu'à 23h, 23h30. Et à minuit, pas de chichi, tous à poil sur la plage. Et on fera l'amour dans toutes les pièces. Bon, si certains seniors font en effet des efforts afin de vivre au mieux dans notre époque, il n'en demeure pas moins que vieillir s'accompagne toujours d'une décrépitude physique. Certes, on peut facilement, par exemple, dissimuler une calvitie, mais parfois le dysfonctionnement de certaines fonctions essentielles peut s'avérer plus que gênant. Ma petite guéquette, sorte ma baguette, je pisse et je pète, en montant chez guette. Moralité, oh oui, gaz, à tous les étages. Et oui, l'incontinence, tout comme l'arthrose ou la maladie d'Alzheimer, sont de véritables sources d'humiliation pour les personnes âgées. C'est la raison pour laquelle certains vieux ne sortent plus de chez eux. Ils préfèrent vivre reclus dans leur demeure, comme ce fut le cas par exemple pour François Mitterrand à la fin de sa vie. Et quelle ne fut pas la surprise de Lionel Jospin lorsque ce dernier vint lui présenter sa nouvelle compagne Sylviane. Qui est là, Lionel? Qui t'a encore amené? C'est encore une de tes gonzesses à la noix? Lionel, je te parle. Désolé, il est un peu... Tout va bien. Elle a un beau cul, j'espère. Hein? Pas comme la dernière. Ne faites pas attention. Ne vous inquiétez pas, j'ai l'habitude. Les gens âgés sont souvent agressifs, je le sais. On ne peut pas leur en vouloir. Dans la plupart des cas, elles ont peur. Elles ont peur d'être seules, elles ont peur d'être abandonnées. Comment sont ces nichons, Lionel? J'espère qu'elle a de vrais nichons cette fois. Je suis navré, vraiment tout à fait désolé. Tout va bien, ne vous en faites pas. Bon, je vous le présente. Et ensuite, vous filez, je contrôle. Quel vieux filou, ce Mitterrand. L'épuisement de sa vieillesse le rendait irascible, certes. Cela dit, c'est un grand classique chez les anciens. Le temps qui s'enfuit devient une source d'irritation et d'agacement. Encore que, face à la déchéance, il y a un autre cas de figure chez nos vieux. Ceux qui cherchent à ignorer totalement la réalité des choses. Et une chose à noter aussi, ce sont les petits caractères d'imprimerie qu'ils utilisent maintenant. Les journaux s'éloignent de plus en plus de moi quand je les lis. Et la seule autre façon pour moi de savoir les nouvelles, ça serait de me les faire lire à haute voix. Seulement ça ne me satisfait guère car de nos jours, ça aussi je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais les gens parlent si bas que je ne les entends plus très bien, moi. Et puis tout est plus éloigné maintenant. La distance de ma maison à la gare a doublé, par exemple. Et puis ils ont ajouté même une colline que je n'avais pas remarquée avant. Et ce matin, en me rasant, je m'arrêtais un moment et regardais mon image dans la glace. Ben, ils ne font plus les mêmes miroirs qu'autrefois. Oui, être vieux, c'est également parfois devenir l'incarnation de la mauvaise foi. Ce qui exaspère les jeunes, bien entendu. Résultat, Le dialogue entre les générations se complique et les anciens ont alors le sentiment désagréable, encore une fois, d'être de plus en plus incompris. Et surtout, les vieux ne parviennent plus à transmettre leur savoir ancestral. Salut à toi, noble étranger. Salut, il est pas là le petit nain ? Non. Parce que d'habitude, il... Je te souhaite chance et perspicacité, car de toi dépend la victoire de tes valeureux camarades. Ouais. Écoute, mon nom est celui d'une pomme. En fait, je suis le premier homme. Mon épouse avait pour prénom Ève, mais le diable en serpent mit fin à notre rêve. Le premier homme, Armstrong, en 69, sur la Lune. Non, tu t'égares, étranger, non. Mon nom est celui d'une pomme, la pomme. Bernard d'Appy. Évidemment, là, même le vieux père Fouras se sent totalement paumé devant le fossé qui le sépare désormais de cette jeunesse sublime qui a pris le pouvoir. Cruelle désillusion que d'entrer dans l'âge de la sagesse. Mais il ne faut pas dramatiser la situation, car une fois leur grand-mère disparue, par exemple, les mômes finissent toujours par prendre conscience de ce qu'ils ont perdu. C'est alors qu'ils savent honorer sa mémoire. Il y a un an, le 12 octobre, tu nous quittais, mémère ! Nous garderons en mémoire ce dentier qui fut le tien. Il donnait à tes histoires un petit air américain. Et nous ajouterons en prime ton fabuleux sonodone. Lui qui nous a pris le mime méritait qu'on le mentionne. Il y a un an, le 12 octobre, tu nous quittais, mémé. Décidément, la jeunesse est ingrate à l'égard des anciens. Petit con, va. Alors justement maintenant, dans l'espoir de rassurer tous nos vieux, nous allons enfin leur offrir une main tendue, celle des déchiens, les fiéfés sociologues du troisième âge. On découvre cela juste après le jingle. Ça me fait rire, ça me fait rire. Ça les amuse, ça les amuse. 3615, code nos anciens. C'est le rendez-vous de tous ceux qui ont décidé d'accompagner, tous ceux qui, ayant parcouru un long chemin, ayant traversé de nombreuses saisons, se retrouvent à l'hiver de leur vie. Et comme il est bon, quelquefois... Mais la personne âgée, elle est difficile à nourrir aussi. Ils ne sont pas faciles. Je vais vous dresser un portrait. Mais ils sont souvent à carriat. Oui. Le vieux, et puis souvent est sale, il n'est jamais content. Il n'a pas la dentition souvent pour ça. Oui, alors il en met pas. C'est-à-dire qu'il se retrouve avec deux gencives qui essayent de... C'est j'aime pas ça. Des vrais gamins. Des vrais gamins. Des vrais gamins. Des vrais gamins, mais sans le charme de l'enfance. Voilà. Donc vous nous apportez un broc avec un brouet dedans qui sent mauvais, qui sent... C'est-à-dire que là, vous avez un repas complet. C'est-à-dire c'est un repas complet pour vieux, comme pour personnes âgées. Repas complet. Vous avez entrée, c'est-à-dire que dans l'entrée, vous avez donc betterave, céleri, rémoulade, œuf dur. Ensuite, attendez. Est-ce que je peux mettre des carottes râpées pour celui qui peut des carottes râpées. Si. Il y a médaillon de poisson avec mayonnaise, avec son olive, posé sur un lit de salade. Oui. Vous avez un veau maringot. Sauce madère avec pâté de légumes. Fromage, et ensuite, et pour le dessert, pièce montée. Il y a la pièce montée, là. Pour la noce d'argent. On peut même rajouter des bougies en cas d'anniversaire. C'est formidable, monsieur Saladin. C'est formidable. Et le tout est... Vomi ? Non, mixé. Ah, d'accord, je n'avais pas compris, monsieur Saladin. Eh bien, merci, 3615. Code nos anciens, on peut aussi ajouter les médicaments et ça peut se prendre même en intraveineuse, comme ça le vieux reste au lit. Et en goutte à goutte. En goutte à goutte. Thank you. On My Shoulders, autrement dit Sur Mes Épaules, chanson interprétée par le groupe franco-finlandais The Do. Parce que nos anciens portent sur leurs épaules le poids des ans, et forcément, ça leur ruine The Do. Alors, dans l'immédiat, pour approfondir notre auscultation de la vieillesse, la panique au Mangin Palace a pris la décision ce matin d'aller rendre visite à notre bon vieux président Chirac afin de prendre quelques nouvelles de ce récent retraité de la vie politique française. Évidemment, tu ne peux l'ignorer, le 16 mai dernier au soir, après la passation de pouvoir, Jacques Chirac a pris ses clics et ses claques pour s'installer rive gauche sur le quai Voltaire à Paris afin de profiter pleinement de sa retraite. Désormais, durant la journée, président Chirac dévore des bouquins sur les arts premiers et le soir, c'est bouillon de légumes et au lit. Sache aussi que dorénavant, le dimanche à 11h, il écoute France Inter, pépère. Salut Jacques. Et puis, parfois, le soir au coin du feu, Jacques s'adresse à Bernadette. « Mimère, tu t'en souviens de notre belle époque? C'était la première fois qu'on aimait pour de bon. À présent, faut bien le dire, on a l'air de vieux schnock. Mais ce qui fait penser tout, c'est qu'on a la façon. Tu te rappelles ta guêpière à présent quand j'y pense? J'en rigole tout doucement, mais c'est plus fort que moi. Comment tu ferais maintenant pour y loger ta panse? On a pris de la bouteille, tous les deux à la fois. » Seulement voilà, depuis quelques jours, Bernadette Chirac ne supporte plus que son retraité de mari lui parle ainsi. D'ailleurs, elle l'aurait menacé de divorcer, paraît-il. Après tout, elle se verrait très bien à la une de Paris Match, elle aussi. Une seconde jeunesse, quoi. Car depuis qu'elle s'est installée rive gauche, Bernadette a repris du poil de la bête. Cette retraite lui sied à merveille. D'ailleurs, les jeunes du quartier la redoutent. C'est une grand-mère bien vénère, donc vaut mieux l'éviter. Pour votre information, sachez que cette mémé est calibrée d'un fusil à pompe sans le canon qu'elle a elle-même scié. Tout le monde sait que dans le quartier, faut pas faire chier mémé. Faut pas faire chier mémé. Faut pas faire chier mémé. Ça non, faut pas faire chier mémé. Faut pas faire chier mémé. Tout le monde sait que dans le quartier, faut pas faire chier mémé. Ça non, faut pas faire chier mémé. Donc méfiance à Saint-Germain-des-Prés, mémé est calibré. Seulement voilà, depuis quelques semaines, président Chirac lui tourne en rond, il déprime, c'est le blues du retraité. C'est ainsi que jeudi dernier, alors qu'il traînait son cafard dans les jardins du Luxembourg, président Chirac tombe inopinément sur Dominique de Villepin, à qui il se confie. Heureusement que tu es là, mon petit. Sans toi, je ne sais pas avec qui je causerais. Ma femme, on n'en parle pas, ça fait 40 ans qu'on se fait la gueule. Il n'y a pas de raison pour que ça s'arrange. Elle était belle, la mémé, quand j'ai connu, tu sais. Je l'ai eu de justesse. Maintenant, elle se venge. Tu sais, la vie, c'est pas du gâteau. Ouais, tu verras. Oh, petit bonhomme. Certes, l'ancêtre est affectueux, mais immédiatement, Dominique de Villepin mesure l'ampleur du désastre de la retraite sur président Chirac. C'est pourquoi, fidèle parmi les fidèles, Dominique tente alors de balbutier quelques mots pour réconforter son vieux mentor. Ne t'en fais pas, mon vieux, tout ça n'est pas très sérieux, tu verras, ne t'en fais pas, mon vieux, ta peine, tu dois l'apaiser. Demain, tout ira mieux. Oui, sauf que pour l'instant, président Chirac annonce à Dominique qu'à ses yeux, l'avenir, c'est plutôt la fin du voyage. C'est alors que M. de Villepin lui propose d'aller consulter le vieux Giscard qui, visiblement, a trouvé la recette pour surmonter la déprime du retraité. C'est ainsi que nos deux compères se dirigent vers le Conseil constitutionnel, l'hospice présidentiel. Dominique de Villepin suggère alors à président Chirac de se rendre au Conseil constitutionnel à pied. Comme les vieux adorent marcher, Dominique est persuadé de faire plaisir à Jacques. Et lorsque nos deux randonneurs arrivent à la hauteur de la rue de Montpensier, ils constatent que Jean-Louis Debray, le président de cette noble institution, nommé par Jacques, est en grande discussion avec le vieux Giscard et sa fille Valériane, qui tentent de faire sortir son père de cet hospice. Je vous dirais que naturellement, le passage du temps, pour tout le monde, et donc pour moi, le passage du temps est une épreuve. Il pense que personne ne comprend ni qui il est, ni d'où il vient. Délire de persécution. Non, je n'ai pas peur de vieillir. Il faut que tu cesses de raconter n'importe quoi. Je n'ai pas peur de vieillir parce que je considère la vie comme un tout dans lequel il y a la jeunesse, la vie active et puis il y a naturellement la vieillesse. J'en ai ras le bol de tes boniments, je ne te crois pas, un point c'est tout. Et ce qui est très important, c'est que dans la vie, il n'y a pas de partie morte. Si vous voulez, je peux vous dépanner de 50 balles. Et notamment que la vieillesse ne soit pas une partie morte. Bien sûr, mon cousin, tu es né en 1079 et monsieur est un écuyer de Jeanne d'Arc et moi je suis la reine d'Angleterre, non? Surprise générale. Alors, change de disque, ok? Merde. Putain, chiotte. C'est celui qui a construit les fondations, qui est le plus qualifié pour achever la maison. Docteur, libérez-le. Bon, je le laisse sortir parce que votre mari est médecin et qu'il a bien voulu me signer une décharge de responsabilité. Au revoir. Non mais attendez, si vous l'emmenez, vous emmenez ses défroques avec, hein. Parce que ça sent le bouc ici, c'est une infection. Devant cette situation, le vieux Chirac demande à son fils spirituel Dominique de ne jamais le placer dans une telle institution. L'image de ce pauvre Giscard sénile le déprime. Monsieur de Villepin promet alors à Chirac qu'il le prendra chez lui si un jour Jacques n'était plus autonome. Cela dit, Dominique pousse tout de même son vieux père à consulter Giscard. Sait-on jamais, peut-être détient-il la sagesse des patriarches pour digérer la retraite après l'Élysée. Les deux vieux présidents sont face à face. C'est alors que Giscard, la voix chevrotante, glisse à l'oreille de Chirac qu'en réalité, il n'y a qu'un seul remède. Avec le temps va, tout s'en va, on oublie le visage et l'on oublie la voix. Le cœur, quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin, faut laisser faire et c'est très bien. Le vieux Chirac revient alors vers le fringant monsieur de Villepin qui, lui, veut en savoir plus, bien sûr. Mais là, Jacques lui confirme vraiment que Giscard, c'est plus possible. Il a les oreilles qui se décollent, il a les narines de traviole avec des poches en dessous les yeux. Il a un coup de vieux. Il a les tempes qui s'éclaircissent, les babouines qui s'épaississent, la peau du cou qui tombe un peu. Il a un coup de vieux. Son gilet, on voit que ça flotte, il y a du vide dans sa culotte, et puis là, les genoux cagneux, il a un coup de vieux. Bon, eh bien tant pis, se dit Dominique. Certes, l'ancêtre Giscard n'a plus toute sa tête, mais qu'importe, pour se sauver du naufrage qu'est la vieillesse, le vieux De Gaulle allait se ressourcer chez lui, à Colombelles-les-Deux-Églises. Donc, dans la foulée, De Villepin a propulsé Chirac dans un train direction la Corrèze, où quelques vieux amis attendaient l'enfant du pays. Alors comme ça, vous voulez retraiter? Vous revenez au pays? Ben, oui et non. Ben, on est tous bien contents de te revoir. Il n'y a pas trop à nous péter. L'âge de la retraite, tu l'as? C'est pas une question d'âge, c'est une question de capacité. Ah ben, justement, t'étais encore ce que t'étais. Ah, 14 de tension, quand on m'emmerde pas. Des réflexes de conscrit et un ciboulot comme neuf. Décidément, le récent retraité Chirac n'est bien nulle part. Immédiatement, hier après-midi, il a décidé de regagner Paris. Et c'est sur le trajet du retour qu'une idée lumineuse lui est survenue. Il s'est alors précipité dans le bureau de M. de Villepin afin de lui exposer quelle sera la nouvelle activité de sa retraite, écrire un livre sur sa femme Bernadette. Les vrais problèmes des tortues, voyez-vous, ils sont deux. C'est la vitesse et c'est l'âge. Pas leur âge à elles. Tout le monde sait que les tortues, enfin les espèces géantes marines surtout, sont des animaux qui vivent le plus longtemps, entre 300 ans et plus. Non, je parle de leur âge zoologique. Nos tortues sont certainement les plus anciens personnages de la Terre. Les tortues étaient déjà là il y a 225 millions d'années. Et tout à fait pareil à celles d'aujourd'hui. Comme si la nature, ayant réussi du premier coup ce qu'elle devait faire, avait gardé le modèle, comme Citroën a gardé ses deux chevaux. Depuis hier soir, donc, le vieux Chirac s'est lancé dans l'écriture d'une biographie non autorisée de son épouse Bernadette, histoire de régler ses comptes, sans doute. Enfin, attention au divorce, hein. Cela dit, président Chirac a un autre projet d'édition, puisqu'il veut également écrire un plaidoyer afin que les maisons de retraite ressemblent à celles qu'il a connues dans sa jeunesse. Les filles étaient heureuses avant qu'on ferme les maisons. Sérieuses et bonnes travailleuses, elles honoraient la profession. Mais un jour, quelle horrible chose, une nommée Marthe Richard décida que deviendraient closes les portes de nos bobinards. Ah, rouvrez les maisons, rouvrez les maisons, rouvrez les maisons. Qu'on dérouille. Ah, rouvrez les maisons, rouvrez les maisons. Oui, ce fut un immense drame, songez qu'à cette époque-là, des claques il y en avait, mesdames, partout dans la France à papa. Même si ça vous scandalise, notre pays en était plein. À Colombes et les deux églises, la troisième s'en était un. Ah, rouvrez les maisons, rouvrez les maisons, rouvrez les maisons. Qu'on dérouille. Ah, rouvrez les maisons, rouvrez les maisons. Je vous l'assure, c'était pas du boulot bâclé, mais du travail fait sur mesure, des trucs et des spécialités. Car la main d'œuvre était parfaite, y'a que dans les maisons qu'on trouvait le demi-tour sur la carpette et le petit train japonais. Ah, rouvrez les maisons, rouvrez les maisons, rouvrez les maisons. Qu'on dérouille. Ah, rouvrez les maisons, rouvrez les maisons. Construire l'Europe et des pays faire l'union. Il faudra bien qu'on développe le tourisme dans la nation. Ah, que celui qui nous dirige agisse donc avec raison. Car le marché commun l'oblige à faire rouvrir les maisons. Ah, rouvrez les maisons, rouvrez les maisons. Rouvrez les maisons, c'est ce que réclamait dès 1965 le patriarche Jean-Yann, qui proposait une version plus bordélique de l'hospice, de quoi réjouir les centenaires, mais aussi les sexagénaires. Alors, pour prolonger maintenant notre évocation du troisième âge, nous allons tout de suite retrouver nos deux héros, pas encore séniles, les fringants Monique et Jean-Claude, car figure-toi qu'ils ont vécu la semaine dernière un profond choc générationnel. En effet, Jean-Claude a appris la séparation de ses parents et il n'arrive pas à comprendre comment un couple de vieillards peut décider de divorcer à l'âge de la retraite. Le divorce est tout juste bon pour les jeunes superactifs. Eh oui, Jean-Claude, il avait une toute autre idée des couples vieillissants. Les vieux ne parlent plus. Ou alors seulement parfois du bout des yeux. Même riches, ils sont pauvres. Ils n'ont plus d'illusions et n'ont qu'un cœur pour deux. Chez eux, ça sent le thym, le propre, la lavande et le verbe d'antan. Que l'on vive à Paris, on vit tous en province. Quand on vit trop longtemps. Et voilà, Jean-Claude va donc en province récupérer son vieux père qui vient de se faire larguer par sa femme. Jean-Claude, c'est avec Rémi qu'il est parti chercher le grand-père. Et dans la voiture qui les ramène tous les trois vers Grosboule-les-Bains, le père de Jean-Claude, à l'âge de la sagesse, confie sa vision de la vie. Qu'est-ce que je suis fatigué? Je suis vraiment crevé. Tu veux que je te dise à quel point? Si une fille venait me voir en me suppliant de la baiser, je pourrais même pas. Papa. Imagine, je suis très crevé. Tu peux surveiller ton langage, s'il te plaît. Je peux te donner un petit conseil? Je veux pas que tu commettes les mêmes erreurs que moi quand j'avais ton âge. J'ai hâte d'entendre la suite. C'est la voix de l'expérience qui te parle. Tu écoutes? Mais aussitôt, le grand-père s'adresse à Rémi, son petit-fils, assis à l'arrière. Pèse un maximum de gonzesses. Hey. T'arrêtes pas sur une seule femme. Papa. Il faut s'en faire plein. Papa. Profite de la chair Papa. Fraîche. Les jeunettes, hey, y a rien de meilleur au monde. Papa, t'arrêtes, ça suffit Sois maintenant. Gentil, ne m'interromps pas. Faut y aller maintenant, pendant que t'es mineur et qu'elles sont mineures. C'est parfait, là. Une fois que t'as 18 ans, terminé, t'y touches et tu te prends 3 ou 5 ans facile. Tu vas te taire ou j'arrête la voiture maintenant. Ah, tu peux arrêter la voiture, hein, je me tairai pas. Je t'emmerde. J'ai le droit de dire ce que je veux. J'ai encore des balles nazies dans oh, les fesses. Ça va avec tes balles nazies. Oh là là là là. La cohabitation avec le grand-père s'annonce plus compliquée que prévu. D'autant plus qu'une fois arrivé à la maison, le grand-père expose ses exigences. En effet, il porte un dentier, comme beaucoup de personnes âgées, et il explique à Monique qu'il a la bouche sensible. Mon palais, ce n'est pas un palais comme les autres. Sans colonne de marbre, sans glace de Venise. Mon palais. Le palais artificiel et la prothèse dentaire du grand-père obligent donc Monique à adapter les repas. Croyant bien faire, elle confectionne des soupes, des bouillies et ne sert que de la viande blanche, ce qui exaspère le grand-père. C'est quoi, du poulet ? Tous les soirs, c'est le même poulet dégueulasse, papa. Nom de Dieu ! Est-ce qu'il serait pas possible qu'au moins un soir, papa, dans cette maison, papa, on nous serve autre chose à dîner que ce maudit poulet de merde ? Tu arrêtes ! C'est une question ! Papa ! Fais chier ! Si tu veux préparer ton dîner tout seul, rien ne t'en empêche. Fallait pas te faire virer. Ouais, ça va, tu me lâches avec ça. Eh oui, le père de Jean-Claude ne supporte vraiment pas de s'être fait virer de chez lui à plus de 70 berges. Et même si elle comprend son désarroi, Monique a de plus en plus de mal à supporter ce vieillard râleur à la maison. D'autant plus que la mère de Monique doit elle aussi venir passer quelques jours chez sa fille à Grosboul-les-Bains. À peine arrivée, la mère de Monique et son caniche sont délicieusement accueillis par le père du Jean-Claude. Petit caniche, peluche pour vieux, quand ta voix c'est tellement aiguë que tout le monde croit que t'es une femelle. Petit caniche, peluche pour vieux, c'est parce que ta mémé elle t'aime bien qu'un jour elle va t'empailler. La mère de Monique est offusquée que l'on puisse parler ainsi à son bébé d'amour. Le père de Jean-Claude se rend compte immédiatement qu'il a dépassé les bornes et, à l'étonnement de tous, il invite la mère de Monique à l'accompagner au bal. La grand-mère est assez flattée. Elle n'a pas été dansée depuis des lustres. Alors quand les ancêtres vont se préparer, Jean-Claude prévient sa belle-mère qu'elle ne doit pas s'attendre non plus à sortir avec un dandy. Dans son vieux par-dessus râpé, il s'en allait l'hiver, l'été, dans le petit matin frileux. Mon vieux, il y avait qu'un dimanche par semaine. Les autres jours, c'était la graine qu'il allait gagner comme on peut, mon vieux. Sauf que voilà, quelques instants plus tard, le père du Jean-Claude surgit en superbe costard avec la raie gominée. Et le vieux a pris un étonnant goût de jeune à l'idée d'aller au bal. J'ai juste le temps de m'enfiler un whisky et je vais être au top pour toute la nuit. Je vais sortir ce soir et je vais rentrer tard. Je vais sortir ce soir avec tous les fêtards. Je vais sortir ce soir jusqu'au petit matin. Je vais sortir ce soir, recommencer demain. Je vais sortir ce soir et je vais rentrer tard. Je vais rentrer tout seul, seul comme un cocard. Comment ça rentrer tard, se dit Monique, qui a du mal à imaginer sa mère en train de danser la tectonique. Pourtant, la grand-mère d'Elsa et de Rémi est enchantée à l'idée de la soirée qui s'annonce. Surtout qu'elle se sent plus belle que jamais. Elle vient en effet de passer chez le coiffeur qui a réalisé un magnifique rejet color, genre rose trémière. Elsa et Rémi sont d'ailleurs subjugués par le look de leur grand-mère. C'est ainsi que la mamie aux cheveux bleus et le grand-père totalement déjanté sont partis fissa au bal. Mais au moment du départ, en direction de la salle des fêtes de Grosboul-les-Bains, Monique conseille à sa mère de prendre un chandail parce qu'on ne sait jamais avec ses rhumatismes. Mais la réponse de la grand-mère est péremptoire. C'est Eric Azaray pour La panique au Mangin Palace. Monique se dit que tout de même, le troisième âge n'est plus ce qu'il était. Les deux vieux prennent la direction du bal, sauf que là, surprise, à l'entrée de la salle des fêtes, il y a maintenant un vigile. Et oui, les temps changent. Le videur interpelle le père de Jean-Claude. Monsieur. Ouais, quoi? Vas-y, parle. Qu'est-ce que tu veux? Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse le passage. Vas-y, dépêche-toi, pose-moi ta question. Stop, qui suis-je? Je suis un animateur de France 3, je suis déguisé en noir. Mon émission passe tous les soirs à 18h35, je pose des questions à des champions. Je suis... Tu es Julien Lepers, c'est ça? Oui, c'est ça, je suis Julien Lepers. Bien. Sacré Julien, là. Hé, hey, votre encyclopédie Larousse. Julien Lepers a tellement squatté leur fin d'après-midi à la télé qu'il est en effet devenu un ami. Et c'est donc muni d'une encyclopédie Larousse que le père de Jean-Claude et la mère de Monique se déchaînent sur la piste de danse. Valse, passo doble, rumba, hip-hop et tectonique, tout y passe. Tard dans la nuit, quand ils rentrent à la maison, les grands-parents font le moins de bruit possible pour ne pas réveiller Monique et Jean-Claude. Sauf que voilà, insomniaque, Jean-Claude dit à Monique qu'il entend par-dessus tout que son vieux est de retour. Tu les entends se faire l'amour. Ils ne savent pas que tu es là. Ton par-dessus autour du bras. Ça y est, le vieux est de retour. Jean-Claude en conclut que la vieillesse, c'est parfois le retour des belles choses de la vie. Voilà, fin du voyage. Monique, elle, se dit que dans la vie, comme pour le vélo, il y a des trucs qu'on n'oublie pas, même à l'âge où l'on perd la mémoire. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Comme il était très musicien, il jouait beaucoup des mains. Tout entre nous a commencé par un très long baiser. Sur la veine bleutée du poignet, un long baiser sans fin. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Quel pouvait être son prénom et quel était son nom? Il s'appelait, je l'appelais, comment l'appelait-on? Pourtant c'est fou ce que j'aimais l'appeler par son nom. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. De quelle couleur étaient ses yeux? Je crois pas qu'ils étaient bleus. Était-il vert? Était-il gris? Était-il vert de gris? Ou changeait-il tout le temps de couleur pour un non pour un oui? J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Habitait-il ce vieil hôtel bourré de musiciens? Pendant qu'il m'aime, pendant que je, pendant qu'on faisait la fête. Tous ces saxos, ces clarinettes, ils me tournaient la tête. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Lequel de nous deux s'est lassé de l'autre le premier? Était-ce moi, était-ce lui, était-ce donc moi ou lui? Tout ce que je sais, c'est que depuis, je ne sais plus qui je suis. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Voilà qu'après toutes ces nuits blanches, il me reste plus rien. Rien qu'un petit air qui s'y flottait chaque jour en se rasant. J'ai la mémoire qui flanche, c'est ce que constatait Jeanne Moreau en 1963. Mais c'est aussi ce que déplorent les vieux malades d'Alzheimer. Encore que, comme le dit Guy Bedos, il y a trois avantages dans cette maladie. Premièrement, tu n'as pas de mauvais souvenirs. Deuxièmement, tu rencontres de nouvelles têtes tous les jours. Et troisièmement, ben, tu n'as pas de mauvais souvenirs. Alors, nous voici donc arrivés au terme de notre visite à l'hospice. Du troisième âge à la seconde jeunesse, de la gérontocratie au gérontophile et de la pilule érectile au calmant de Jeanne, nous t'avons dressé un panorama très incomplet et bien sûr très subjectif de l'univers merveilleux et valétudinaire de nos anciens. Pour finir, que dire? Eh bien, qu'il est facile pour une bande de salauds de jeunes de se moquer des vieux. Parce qu'aujourd'hui, la société oppose allègrement les générations. D'un côté,